Ne venez pas. Ils viennent de partir, mais ils reviendront bientôt. Mais je veux qu'ils me voient. Je suis venue ici pour retrouver l'un d'eux. Je n'aurai pas peur. Alors je m'en vais. J'irai vous attendre là où vous m'avez trouvé. Vous êtes décidé à rester ? Vraiment ? Oui. Alors, que tous les saints du paradis vous soient en aide.